Radio Mont-Blanc, l'agenda. Samedi à Bonneville, les amis du château et de la Bonneville organisent leur 44e salon des peintres savoyards. C'est à partir de samedi, ça se poursuivra ensuite jusqu'au 12 octobre prochain à l'Agora de Bonneville. Seront présents 26 artistes, sculpteurs et peintres, et l'invité d'honneur sera monsieur Bernard Beau. Installé à Thonon-les-Bains, Bernard Beau est un peintre autodidacte dont l'univers artistique mêle émotion, réflexion et intuition. C'est à partir de samedi jusqu'au 12 octobre à Bonneville, le 44e salon des peintres savoyard. À Taninge, alerte bourse au ski, ce sera ce week-end. Rendez-vous samedi dimanche au gymnase de Taninge. Une bourse à ne pas manquer avec du matériel de qualité pour débutants et compétiteurs aguerris, enfants et adultes. Vous pourrez également bénéficier de conseils personnalisés donnés par des professionnels. Dépôt à partir de 7h30 samedi, la vente à partir de 9h jusqu'à 18h, de 9h à 15h également le dimanche. C'est également pendant ces bourses qu'auront lieu les inscriptions au ski club nordique Pradelis-Saumans, samedi, dimanche, la bourse au ski à Taninge.